32e chapitre. Marie. À voir l'ancien partisan, plein d'impétuosité, courir ainsi à travers les campagnes, on eût pu croire qu'il se rendait encore à quelques sanglantes expéditions. C'était surtout quand Marie n'était pas seule au manoir et que sa mère habitait avec elle que la fontenelle aimait à s'absenter de quoi d'élan et à remplacer les fatigues périlleuses d'autrefois par celles des voyages. Ce jour où nous le retrouvons dans sa nouvelle demeure, son esprit était singulièrement tourmenté, car il courait dans le pays certains bruits alarmants. On disait que le roi était dans l'intention de faire démolir le fort de Douarnenez. La veille, Quilliec, qui, en revenant de Quimper, s'était arrêté à l'île Tristan, avait rapporté avoir entendu dire dans ces deux endroits que la démolition du fort était certaine. Si la fontenelle faisait peu de cas de son commandement, il tenait beaucoup à ce que son fort restât debout, parce qu'il avait l'espoir que prochainement, peut-être, la face des affaires changerait en Bretagne. Il ne pouvait oublier qu'il avait été invincible dans sa petite forteresse. Il y avait environ 2 heures qu'il était absorbé dans ses inquiétantes pensées, et c'était en vain que pour les chasser de son esprit, il examinait dans les plus petits détails les travaux de ses ouvriers, allant de l'un à l'autre et leur donnant différents ordres. Mais rien ne pouvait le distraire de cette noire mélancolie. Le son seul d'une cloche qui se fit entendre en ce moment vint enfin l'arracher à sa pénible préoccupation en lui rappelant que le déjeuner était servi et que Marie l'attendait dans la salle à manger. Quand la fontenelle entra, celle-ci s'élança à sa rencontre. Depuis que nous l'avons vue apparaître à Mézarnoux, Marie était encore embellie. Sa mise simple mais pleine de distinction faisait ressortir sa taille svelte et gracieuse. Ses formes avaient alors toute leur perfection et tout leur développement, et les traits célestes de son candide visage semblaient avoir acquis de nouveaux charmes. « Eh bien, mon ami, s'écria-t-elle, où est donc le baron votre frère? N'êtes-vous pas sortis tous deux ce matin pour faire votre promenade ?»« Oui, Marie, il est vrai que Beaumanoir et moi sommes sortis ensemble, mais notre but n'était point de nous promener comme tu le supposes. Le baron est parti, il a quitté Croix des Landes. Comment? Sans me dire adieu? Il n'en a pas eu le temps, mon ami. Une lettre qu'il a reçue hier au soir l'a forcé de partir au plus vite. Le vieux Prat-Maria est mort, et Amaury craint d'arriver trop tard au Laz, où vont se célébrer les funérailles du comte. Avant son départ, il m'a chargé de l'excuser auprès de toi de ne t'avoir pas fait d'adieu. Il n'a pas besoin d'excuses, Guéder, et maintenant je comprends fort bien la précipitation qu'il a mise à s'éloigner. Mais vous, mon ami, n'avez-vous pas été aussi invité à assister à cette cérémonie ? En effet, répondit la fontenelle en feignant de sourire, j'étais compris dans cette invitation, mais vois-tu, Marie, je préférais rester avec toi et ne pas te laisser seule cette fois à Croix des Landes, car, je l'avoue, depuis mon séjour ici, mes absences n'ont été que trop fréquentes. Je te l'ai souvent dit, cette vie de partisan que j'ai menée pendant 10 ans a été une vie terrible et aventureuse, et il est bien difficile, quand on la quitte tout à coup, de pouvoir demeurer tranquille dans le même lieu, sans éprouver un besoin impérieux de mouvement et d'action. « Qu'avez-vous besoin, Guéder, de vous défendre au sujet de vos courses et de vos voyages ?» reprit Marie avec la plus grande douceur. « Jamais d'ailleurs je ne vous ai adressé de reproche à cet égard. Au contraire, vous devez vous le rappeler. Toujours j'ai été la première à vous engager à voyager, à vous distraire. » « Je me souviens de tout cela, Marie. Et maintenant je trouve que j'ai eu tort de t'obéir et de te laisser ici dans l'isolement. Il faut le dire, je fus coupable et tu fus trop indulgente pour mes fautes. Aussi, désormais, je ne m'éloignerai plus. Je veux rester près de toi et essayer, par mon amour et mes attentions, de te faire oublier mes longues absences. Que vous êtes bon, mon ami. Comment ne pourrait-on pas vous aimer? Et cependant, vous en souvenez-vous, que de gens, quand vous arrivâtes ici, pour lesquels vous étiez un objet d'épouvante, ils paraissaient tous effrayés à votre vue, à l'exception de monsieur de Romard et de Quilliec, qui ne partageaient pas cette crainte ridicule. C'est que ceux-ci ont trop longtemps servi sous mes ordres, pour ne pas avoir une connaissance parfaite de mon caractère. Tous les deux savent que la plupart des histoires débitées sur mon compte sont fausses, pleines d'exagérations et imaginées par les paysans, dont j'ai été souvent forcé de réprimer l'orgueil et la hardiesse. Oui, Marie, sache-le bien, je n'ai usé que d'énergie et de fermeté avec les communes. Si j'en avais manqué, qui sait où se serait arrêtée leur fureur et leur déprédation? À cette heure, peut-être n'y aurait-il plus un seul château debout dans toute la Cornouaille. Voilà d'où provient l'effroi que j'inspirais en arrivant dans ce pays. Heureusement, aujourd'hui, je ne fais plus peur à personne. Je n'épouvante que les sots qui ont ajouté foi à des fables absurdes et qui n'ont pas compris la conduite que j'ai été forcé de tenir dans la guerre nationale de la Ligue. N'as-tu pas été toi-même témoin de l'effet produit par les comptes qu'on a faits sur ma personne? N'as-tu pas vu ta gouvernante Marguerite devenir folle à mon seul aspect? Telle a été l'épouvante de cette malheureuse dont la tête était perdue par d'effrayants récits que, malgré son retour à la santé et malgré l'amitié qu'elle te porte, elle n'a jamais voulu, à cause de moi, venir demeurer à Croix des Landes. Depuis le commencement de cette conversation, les deux époux s'étaient mis à table pour déjeuner.